Contes à Ninon de Émile Zola, lu par Plume d'encre pour audiocité.net. La fée amoureuse. Entends-tu, Ninon, la pluie de décembre frapper nos vitres? Le vent se plaint dans le long corridor. Ah, oh, c'est une vilaine soirée. Une de ces soirées où le pauvre grelotte à la porte du riche, que le bal entraîne dans ses danses, sous les lustres dorés. Laisse là tes souliers de satin et viens t'asseoir sur mes genoux, près de l'âtre brûlant. Laisse là ta riche parure. Je veux ce soir te dire un conte, un beau conte de fées. Tu sauras, Ninon, qu'il y avait autrefois, sur le haut d'une montagne, un vieux château sombre et lugubre. Ce n'était que tourelle, que rempart, que pont-levis chargé de chaînes. Des hommes couverts de fer veillaient nuit et jour sur les créneaux, et seuls les soldats trouvaient bon accueil auprès du comte Enguerrand, le seigneur du manoir. Si tu l'avais aperçu, le vieux guerrier, se promenant dans les longues galeries, si tu avais entendu les éclats de sa voix brève et menaçante, tu aurais tremblé d'effroi, tout comme tremblait sa nièce Odette, la pieuse et jolie damoiselle. N'as-tu jamais remarqué, le matin, une pâquerette s'épanouir au premier baiser du soleil, parmi des orties et des ronces? Eh bien, telle s'épanouissait la jeune fille parmi de rudes chevaliers. Enfant, lorsque, au milieu de ses jeux, elle apercevait son oncle, elle s'arrêtait et ses yeux se gonflaient de larmes. Maintenant, elle était grande et belle. Son sein s'emplissait de vagues soupirs. Et un effroi plus âpre encore la saisissait chaque fois que venait apparaître le seigneur Enguerrand. Elle demeurait dans une tourelle éloignée, s'occupant à broder de belles bannières et se reposant de ce travail en priant Dieu, en contemplant de sa fenêtre la campagne d'émeraude et le ciel d'azur. Que de fois la nuit, se levant de sa couche, elle était venue regarder les étoiles, et là, que de fois son cœur de 16 ans s'était élancé vers les espaces célestes, demandant à ses sœurs radieuses ce qui pouvait l'agiter ainsi. Après ses nuits sans sommeil, après ses élans d'amour, elle avait des envies de se suspendre au cou du vieux chevalier. Mais une rude parole, un froid regard l'arrêtait, et tremblante, elle reprenait son aiguille. Tu plains la pauvre fille, Ninon. Elle était comme la fleur fraîche et embaumée dont on dédaigne l'éclat et le parfum. Un jour, Odette, la désolée, suivait de l'œil en rêvant deux tourterelles qui fuyaient lorsqu'elle entendit une voix douce au pied du château. Elle se pencha et vit un beau jeune homme qui, la chanson sur les lèvres, réclamait l'hospitalité. Elle écouta et ne comprit pas les paroles. Mais la voix douce oppressait son cœur, et sans qu'elle le sût, des larmes coulaient lentement le long de ses joues, mouillant une tige de marjolaine qu'elle tenait à la main. Le château resta fermé, et un homme d'armes cria des murs. « Retirez-vous ! Il n'y a séant que des guerriers !» Odette regardait toujours. Elle laissa échapper la tige de marjolaine humide de larmes, qui s'en vint tomber au pied du chanteur. Ce dernier leva les yeux, et voyant cette tête blonde, il baisa la branche et s'éloigna, se retournant à chaque pas. Quand il eut disparu, Odette se mit à son prie-Dieu et fit une bien longue prière. Elle remerciait le ciel sans savoir pourquoi. Elle se sentait heureuse et ignorait le sujet de sa joie. La nuit, elle eut un beau rêve. Il lui sembla voir la tige de marjolaine qu'elle avait jetée. Lentement, du sein des feuilles frissonnantes, se dressa une fée. Mais une fée si mignonne, avec des ailes de flamme, une couronne de myosotis et une longue robe verte couleur de l'espérance. Odette, dit-elle harmonieusement, je suis la fée amoureuse. C'est moi qui t'ai envoyé ce matin Loïs, le jeune homme à la voix douce. C'est moi qui, voyant tes pleurs, ai voulu les sécher. Je vais par la terre, glanant des cœurs et rapprochant ceux qui soupirent. Je visite la chaumière aussi bien que le manoir, et parfois je me plais à unir la houlette au sceptre des rois. Je sème des fleurs sous les pas de mes protégés. Je les enchaîne avec des fils si brillants et si précieux que leur cœur en tressaille de joie. J'habite les herbes des sentiers, les tisons étincelants du foyer d'hiver, les draperies du lit des époux. Et partout où mon pied se pose, naissent les baisers et les tendres causeries. Ne pleure plus, Odette. Je suis amoureuse, la bonne fée, et je viens sécher tes larmes. Et elle rentra dans sa fleur, qui redevint bouton en repliant ses feuilles. Tu le sais bien, toi, Ninon, que la fée amoureuse existe. Voilà danser dans notre foyer, et plaint les pauvres gens qui ne croiront pas à ma belle fée. Lorsque Odette s'éveilla, un rayon de soleil éclairait sa chambre. Un chant d'oiseau montait du dehors, et le vent du matin caressait ses tresses blondes, parfumées du premier baiser qu'il venait de donner aux fleurs. Elle se leva joyeuse et passa la journée à chanter, espérant ce que lui avait dit la bonne fée. Elle regardait par instants la campagne, souriant à chaque oiseau qui passait, et sentant en elle des élans qui la faisaient bondir et frapper ses petites mains l'une contre l'autre. Le soir venu, elle descendit dans la grande salle du château. Près du comte Enguerrand se trouvait un chevalier qui écoutait les récits du vieillard. Elle prit sa quenouille, s'assit devant l'âtre où chantait le grillon, et le fuseau d'ivoire tourna rapidement entre ses doigts. Au fort de son travail, ayant jeté les yeux sur le chevalier, elle lui vit la tige de marjolaine entre les mains, et voilà qu'elle reconnut Loïs à la voix douce. Un cri de joie faillit lui échapper. Pour cacher sa rougeur, elle se pencha vers les cendres et remua les tisons avec une longue tige de fer. Le brasier crépita, les flammes s'effarèrent, des gerbes bruyantes jaillirent, et soudain, au milieu des étincelles, surgit amoureuse, souriante et empressée. Elle secoua de sa robe verte les parcelles embrasées qui couraient sur la soie, pareilles à des paillettes d'or. Elle s'élança dans la salle et, invisible pour le comte, vint se placer derrière les jeunes gens. Là, tandis que le vieux chevalier comptait un combat effroyable contre les infidèles, elle leur dit doucement « Aimez-vous, mes enfants. Laissez les souvenirs à l'austère vieillesse. Laissez-lui les longs récits auprès des tisons ardents. Qu'au pétillement de la flamme ne se mêle que le bruit de vos baisers. Plus tard, il sera temps d'adoucir vos chagrins en vous rappelant ces douces heures. Quand on aime à 16 ans, la voix est inutile. Un seul regard en dit plus qu'un grand discours. Aimez-vous, mes enfants. Laissez parler la vieillesse. » Puis elle les recouvrit de ses ailes, si bien que le comte, qui expliquait comme quoi le géant tête de fer fut oxy par un terrible coup de Giralda, la lourde épée, ne vit pas Loïs déposant son premier baiser sur le front d'Odette frissonnante. « Il faut, Ninon, que je te parle de ces belles ailes de ma fée amoureuse. Elles étaient transparentes comme verre et menues comme ailes de moucheron. Mais lorsque deux amants se trouvaient en péril d'être vus, elles grandissaient et devenaient si obscures et si épaisses qu'elles arrêtaient les regards et étouffaient le bruit des baisers. Aussi le vieillard continua-t-il longtemps son prodigieux récit, et longtemps Loïs caressa Odette, la blonde, à la barbe du méchant suzerain. Mon Dieu, les belles ailes que c'étaient !» Les jeunes filles, m'a-t-on dit, les retrouvent parfois. Plus d'une sait ainsi se cacher aux yeux des grands-parents. Est-ce vrai, Ninon ? La longue histoire du conte finit cependant. La fée amoureuse disparut dans la flamme et Loïs s'en alla, remerciant son hôte et envoyant un dernier baiser à Odette. La jeune fille dormit si heureuse cette nuit-là qu'elle rêva des montagnes de fleurs éclairées par des milliers d'astres, chacun mille fois plus brillant que notre soleil. Le lendemain, elle descendit au jardin et se perdit sous une allée. Elle rencontra un guerrier, le salua et allait s'éloigner lorsqu'elle lui vit dans la main la tige de marjolaine baignée de larmes. Et voilà qu'elle reconnut encore Loïs à la voix douce, qui venait de rentrer au château sous un nouveau déguisement. Il la fit asseoir sur un banc de gazon auprès d'une fontaine. Ils se regardaient tous deux, ravis de se voir en plein jour. Les fauvettes chantaient, et l'on sentait dans l'air que la bonne fée devait rôder par là. Je ne te dirai pas toutes les paroles qu'entendirent les vieux chênes discrets. C'était plaisir de les voir bavarder si longtemps qu'une fauvette qui se trouvait dans un buisson voisin eut le temps de se bâtir son nid. Tout à coup, les pas lourds du comte Enguerrand se firent entendre dans l'allée. Les deux pauvres amoureux tremblèrent. Mais l'eau de la fontaine chanta plus doucement, et amoureuse sortit, riante et empressée, du flot clair de la source. Elle entoura les amants de ses ailes, puis glissa légèrement avec eux, passant à côté du comte, qui fut fort étonné d'avoir ouï des voix et de ne trouver personne. Elle berce ses protégés et va leur répétant tout bas. Je suis celle qui protège les amours, celle qui ferme les yeux et les oreilles des gens qui n'aiment plus. Oh, ne craignez rien, beaux amoureux. Aimez-vous sous le jour éclatant, dans les allées, près de l'eau des fontaines, partout où vous serez. Je suis là et je veille sur vous. Dieu m'a mis ici-bas pour que les hommes, ces railleurs de toute sainteté, ne viennent jamais troubler vos pures émotions. Il m'a donné mes belles ailes et m'a dit « Va !» et que les jeunes cœurs se réjouissent. Aimez-vous, je suis là et je veille sur vous. Et elle allait, butinant la rosée qui était sa seule nourriture, et entraînant dans une ronde joyeuse, Odette et Loïs dont les mains se trouvaient enlacées. Tu me demanderas ce qu'elle fit des deux amants. Vraiment, mon ami, je n'ose te le dire. Oh, j'ai peur que tu te refuses à me croire. Ou bien que, jalouse de leur fortune, tu ne me rendes plus mes baisers. Mais te voilà toute curieuse, méchante fille, et je vois bien qu'il me faut te conter. Or, apprends que la fée rôda ainsi jusqu'à la nuit. Lorsqu'elle voulut séparer les amants, elle les vit si chagrins, mais si chagrins de se quitter, qu'elle se mit à leur parler tout bas. Il paraît qu'elle leur disait quelque chose de bien beau, car leurs visages rayonnaient et leurs yeux grandissaient de joie. Et lorsqu'elle eut parlé, et qu'ils eurent consenti, elle toucha leur front de sa baguette. Soudain, oh Ninon, quels grands yeux d'étonnement! Comme tu frapperais du pied si je n'achevais pas! Soudain, Loïs et Odette furent changées en tiges de marjolaine, mais de marjolaine si belle qu'il n'y a qu'une fée pour en faire de pareilles. Elles se trouvaient placées côte à côte et si près l'une de l'autre que leurs feuilles se mêlaient. C'étaient là des fleurs merveilleuses qui devaient rester épanouies et échanger éternellement leurs parfums et leurs rosées. Quant au comte Enguerrand, il se consola, dit-on, en comptant chaque soir comme quoi le géant tête de fer fut oxy par un terrible coup de Giralda, la lourde épée. Et maintenant, Ninon, lorsque nous gagnerons la campagne, nous chercherons les marjolaines enchantées pour leur demander dans quelle fleur se tient la fée amoureuse. Peut-être, mon ami, une morale se cache sous ce conte. Mais je ne te l'ai dit, nos pieds devant l'âtre, que pour te faire oublier la pluie de décembre qui bat nos vitres, et t'inspirer ce soir un peu plus d'amour pour le jeune conteur.